France Inter, le 13-14. Jean Lebrun, le vif de l'histoire. Aujourd'hui, l'une des plus grandes célébrités du XVIIIe siècle, le maréchal et duc de Richelieu, Armand Louis, comme le cardinal, son aïeul, duc et père, membre de l'Académie française, enterré à la Sorbonne, mais d'abord doté d'un fort tempérament personnel, Benoît Florin vient de lui consacrer une biographie. Oui, c'est un divertissement, alors on peut commencer par la fin. Hein. Ouais. Fin d'une très longue existence, Richelieu a connu la cour au temps de l'austère Madame de Maintenon dans les années 1700. Et en 1777, il est toujours à Versailles. Il participe à un divertissement en l'honneur de Marie-Antoinette. Il exécute Bruno un menuet à ravir. Il a 82 ans. Il le danse avec la vieille maréchale de Mirepoix. Or, cette dernière, naguère, avait été princesse de Lixen. Et Richelieu avait tué son mari en duel. Mais ce sont des choses qu'il faut oublier quand on est galant homme et dame bien élevée. Le duel, il y a tant et tant d'années, avait eu lieu pendant le siège de Philippsbourg. On avait raconté que le prince de Lixen avait été touché par un projectile malencontreux. Le jeune Richelieu avait déjà été embastillé 3 fois pour des imprudences. C'était un officier courageux, il était si drôle. On n'allait pas se priver du plaisir de sa compagnie. Et puis, il avait la réputation d'un séducteur irrésistible. Alors, son emploi du temps, donner à la guerre 1 ou 2 saisons, vous voyez, les quartiers d'hiver, si possible. Et ensuite, revenir dans les salons ou à la cour, les différentes tiges aristocratiques qui donnent de très belles fleurs, qui forment comme des bouquets. Et parmi toutes ces femmes, en négligeait seulement une, son épouse. Et aller vers toutes les autres, ou à peu près, car il ne faut négliger aucun des plaisirs que la société peut offrir. Son vieux complice, Voltaire, écrit « Cet Alcibiade inconstant, en tout lieu portait si gaiement ses attraits et son cœur volage, toutes les femmes l'adoraient. » Oui, si Molière n'avait écrit Don Juan plus tôt, il aurait pu en être le modèle. Oui, mais Casanova, dans ses mémoires, prétend avoir rencontré le maréchal de Richelieu afin d'entendre de sa bouche quelques secrets de fabrication. Alors comme lui, Richelieu a d'ailleurs parcouru tout le spectre de la galanterie. Les princesses du sang, au départ, enfin, ça pouvait s'avérer dangereux, puis les dames du meilleur monde, et enfin, l'âge venant, celle du demi-monde. Les épigrammes et les chansons faisaient collection de ses exploits. Quand un fermier général découvrit qu'une cheminée de sa maison, qui jouxtait celle du maréchal, ménageait à celui-ci un passage secret, la cour et la ville se gaussèrent. C'est un ramoneur d'amour qui sait par un joli tour se glisser dans une chambre lorsqu'au logis, monsieur n'est pas là. Ramonez là la cheminée. Beau ramoneur, beau ramoneur. Et le roi Louis XV lui garda toujours sa confiance. Bah oui, parce que dans l'armée, c'était un chef de corps courageux. Chef de corps, oui. Le mot lui va assez bien. Dans la chambre du roi, il tenait le rôle de premier gentilhomme, avec la possibilité d'en interdire l'accès aux importuns. Le roi, parfois, était si mal en point que l'archevêque de Paris prétendait le confesser avant de lui administrer les derniers sacrements. Richelieu barrait la porte. « Monseigneur, il vous suffira de m'entendre, je commets les mêmes péchés que sa majesté. » Et c'est lui qui apporta à Louis XV un morceau de roi en la personne de la du Barry, qu'il s'était auparavant offert d'ailleurs, la partageant avec son fils. Et après son menu à 82 ans, il donna son dernier bal juste avant ses 90 ans. Oui, et il mourut à 93, le 8 août 1788, laissant bien sûr une situation financière embrouillée. On est d'autant plus un homme du monde qu'on n'est pas un homme d'argent. Le jour de sa mort, Louis XVI, étranglé par les dettes, convoquait les états généraux. Encore un peu de temps, et le caveau des Richelieu à la Sorbonne sera profané, et à peu d'années près, le maréchal aurait été guillotiné. Stendhal disait... Un grand seigneur, c'est une chose fort immorale. Mais un grand seigneur bien élevé, bah, ça vous rend gai. Quant à la galanterie, ajoutait le marquis de Bombelle, sa perte ne tourne pas nécessairement au progrès des bonnes mœurs. Bah, on en a la preuve tous les jours en 2022. Le maréchal de Richelieu, libertin et seigneur de guerre au temps des Lumières, biographie de Benoît Florin, c'est chez Perrin. France Inter.